Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre Le camp des morts de Craig Johnson. Alors aujourd'hui j'ai préparé quelques petites notes pour éviter de faire trop de répétitions et d'avoir trop de donc, alors, etc. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Si ça se trouve, je ne vais pas beaucoup mieux parler que les fois précédentes. Alors, comment j'en suis arrivée à lire Craig Johnson, enfin le livre de Craig Johnson, Le camp des morts. En fait, Craig Johnson et sa série basée sur le shérif Longmire, je l'ai connu car à la télévision j'avais dû regarder la série Longmire. Ensuite, quand j'avais regardé sur Wikipédia pour savoir combien d'épisodes il y avait, j'ai appris que c'était basé donc sur des livres. Donc je garde ça en mémoire, et puis un jour je suis allée prendre un thé chez une amie qui m'a proposé de me prêter un ou deux livres, et elle me prête un livre qui s'appelle Enfant de poussière, et je lis le résumé et je me rends compte que c'est une enquête du shérif Longmire. Donc je le lui emprunte, et quand je me suis rendu compte que donc c'était pas le premier de la série et qu'il y avait des allusions à des histoires qui s'étaient passées avant, je me suis dit qu'il fallait que je les lise dans l'ordre. J'ai emprunté le premier à la bibliothèque, et Le camp des morts, c'est le deuxième, que j'ai acheté à la FNAC. Pourquoi ? Parce que Craig Johnson y était en dédicace. Ce livre, non seulement je l'ai acheté, mais en plus, il a été dédicacé par Craig Johnson, qui est quelqu'un, qui est un auteur assez cool. Il est arrivé... C'est vraiment un cow-boy, hein, un peu comme son personnage, évidemment. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs, que Longmire a certains... il lui prête certains traits de sa propre personnalité. Et bon, alors nous, on l'a vu, il était en promo, hein, donc c'était en promo à l'américaine. Donc évidemment, très sympathique, il raconte des histoires, voilà. Et d'ailleurs, il est très cow-boy à l'américaine. Il avait une chemise à carreaux, il avait des Santiago. Il avait son chapeau, donc c'était presque un cliché pour nous, pour nous les lecteurs français. Mais bon, c'est aux États-Unis, c'est pas forcément un cliché. Il y a vraiment les cow-boys, les gens qui habitent dans les plaines, ils sont habillés comme ça. S'ils ont un ranch, c'est leur style, c'est la façon dont ils s'habillent, c'est ce dans quoi ils se sentent à l'aise pour travailler, pour être habillés toute la journée. Donc Craig Johnson, Le camp des morts, livre particulier, puisque dédicacé, j'ai d'ailleurs fait dédicacé pour mon oncle, sachant que j'ai acheté un autre livre de Craig Johnson, toujours Longmire, que j'ai fait dédicacé pour moi, mais on en reparlera le moment venu quand je l'aurai eu. Alors, l'histoire du camp des morts, c'est une vieille dame qui décède dans la maison de retraite. Il s'avère que c'est la voisine de l'ancien shérif mentor de Longmire. Et cet ancien shérif est persuadé qu'elle n'est pas décédée d'une mort naturelle, mais qu'elle a été tuée. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que cette vieille dame est basque. Alors, au début, je me suis dit, oh, c'est peut-être une nation indienne, et il s'appelle basque sans qu'il y ait vraiment de rapport. Mais en fait, c'est vraiment basque du Pays basque, parce que il y a eu une diaspora basque vers l'ouest américain, donc plusieurs milliers avec une première vague dans les années 1900 à 1920, et puis il y a eu une deuxième vague des migrations basques aux États-Unis, notamment à travers la loi pour les bergers qui a été édictée dans les années 40, puisqu'il y avait un manque de manœuvre suite à la Seconde Guerre mondiale, et donc il y a eu une nouvelle vague d'émigration des bergers basques dans l'ouest des États-Unis entre 1950 et 1970. Donc voilà, donc maintenant je sais qu'il y a eu des Basques aux États-Unis. Alors, évidemment, j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans les romans Longmire, dans l'écriture de Craig Johnson, les grands espaces, la description de la nature, l'humour de Longmire, pardon, je baille, l'humour de Longmire, et puis toujours des personnages qui ont un fort caractère, mais qui sont aussi tout en nuances. Voilà, c'est une écriture qui est très agréable à lire, c'est très fluide, c'est très descriptif, c'est un nature writer, comme on dit aux États-Unis, un écrivain nature, c'est-à-dire il fait beaucoup de descriptions, donc c'est très détaillé, et puis toujours beaucoup de suspense, hein, on ne sait jamais ce qui va se passer. Voilà, donc évidemment, je vous conseille, bon, bah, c'est mon chouchou, donc je vous conseille de le lire. Après, je l'ai conseillé à mon oncle qui est en train de lire le premier et qui finalement n'arrive pas vraiment à le lire. Il trouve justement que c'est trop descriptif, qu'il n'y a pas assez de dialogue, qu'il se passe pas assez de choses. Donc, comme quoi, vraiment, la lecture, c'est quelque chose de subjectif et on ne peut jamais s'attendre à aimer quelque chose que quelqu'un d'autre a aimé. Donc, d'un point de vue personnel, j'ai adoré. C'est vrai que je vous recommande de lire les livres du shérif Longmire. Peut-être parce que finalement, ce sont aussi des polars qui peuvent changer de ce qu'on lit d'habitude, des polars comme d'Harlan Coben ou des polars scandinaves. Mais voilà, après, ce n'est pas garanti que vous allez aimer le style de Craig Johnson. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée. Le prochain livre dont je parlerai, c'est La fiancée américaine. Donc, c'est un livre québécois. Mais je n'en suis qu'à la page 500 et quelques sur 900. Donc, il y a encore un petit peu de temps avant que je puisse vous en parler. Eh bien, très bonne journée à nouveau et à bientôt !